Deuxième partie. Paul téléphone à Guy Martin. Allô? Allô? Oh, zut, Guy ne m'entend pas. Je raccroche et j'appelle les réclamations. Voyons. Réclamation 13. Allô? Je ne vous entends pas. Allô? Vous m'entendez? Ah oui, ça y est, je vous entends. Votre numéro? Je suis dans une cabine téléphonique. Avez-vous un jeton? Oui? J'ai mis mon jeton dans la fente et j'ai formé le numéro de mon correspondant. J'ai entendu sa voix, j'ai attendu. Mais il n'a pas entendu votre voix? Oui, c'est ça. Eh bien, vous n'avez pas appuyé sur le bouton. Ah, c'est peut-être ça. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Recommencez? Et si je ne réussis pas? Si vous ne réussissez pas, c'est bien simple. Lisez les instructions. Comme elle est désagréable. Malheureusement, elle a raison. Je n'ai pas appuyé sur le bouton. Voyons. Voilà les instructions. Introduisez un jeton. Décrochez le combiné. Attendez la tonalité. Formez le numéro. Ah, appuyez sur le bouton. Eh bien, je recommence.